Écoute bien, la chorale des enfants va te chanter au clair de la lune. Tu pourras ensuite chanter avec eux. Au clair de la lune.